as-tu envie de toi? Si tu savais ce qu'on pense tout bas, tu n'y songes même pas, pas même dans tes rêves les plus fous. Oh Stella, on a tous eu envie de toi. Si tu savais ce qu'on pense tout bas, tu n'y songes même pas, pas même dans tes rêves les plus fous. Oh Stella, on raconte tellement sur toi qu'être enceinte ou juste femme pénètre nirvana, notre idéal. Qu'être enceinte ou juste femme, et au plus profond de nos fantasmes, qu'être enceinte ou juste femme. Oh Stella, réveille-toi. Qu'être enceinte ou juste femme, tu joues avec moi. Qu'être enceinte ou juste femme, tu joues avec moi. Femme, c'est notre nirvana, notre idéal. Qu'être enceinte ou juste femme, et au plus profond de nos fantasmes, qu'être enceinte ou juste femme, tu joues avec moi. Qu'être enceinte ou juste femme, avec moi. Qu'être enceinte ou juste femme, tu joues avec moi. On a tous eu envie de toi. Si tu savais ce qu'on pense tout bas. Oh Stella, réveille-moi. Stella, qu'être enceinte ou juste femme, tu joues avec moi. Réveille-moi, Stella, Stella, oh Stella.